ただきゃこいい。Comme je vous le dis, c'est la vapeur qui va vous aider au repassage, hein, davantage. Alors moi c'est Madame Douchin, je travaille à l'IME depuis 12 ans. Je suis éducatrice technique en atelier Pôle Service. Donc c'est tout ce qui est l'entretien du linge et l'entretien des locaux. Ici on apprend, donc comme Enola l'a dit, à plier le linge en forme, le linge plat. On apprend également à faire du nettoyage en respectant les étapes de travail, afin de leur amener un maximum d'autonomie pour leur vie quotidienne future. Généralement, là, c'est des pros, donc ils sont en atelier par c'est leur propre choix. On a des plus jeunes aussi l'après-midi qui, eux, tournent sur tous les ateliers de l'IME, et ce qui leur permet de faire leur choix pour les ateliers futurs, quoi. On retrouve beaucoup de filles en pôle service, mais il y a également des garçons qui choisissent l'atelier pôle service sans souci. C'est mixte, c'est pas dédié aux filles, c'est pas dédié aux garçons, c'est pour tout le monde. On retrouve aussi des garçons en atelier pôle service, bien évidemment, oui. Bonjour, je m'appelle Elola, je rentre pour le service car j'aime bien repasser et maintenant je suis à l'ESAT et je suis en blanchisserie. Il y a beaucoup de linge, il y a beaucoup de trucs, des habits d'extérieur et en pôle service, on peut faire aussi du repassage, mais aussi on peut faire du nettoyage. Il faut être patient, il faut être ponctuel, il faut toujours garder le sourire. Et si on ne sait pas plier le blouse, on a le gabarit. Et puis, le gabarit, c'est l'outil qui nous aide à plier la blouse. Et correctement, pas bouillon, pas trop bouillon. Tu peux essayer de l'utiliser, mais laisse ça sur la table ici. Hop. Viens avec ta blouse. Hop. Vas-y, tu poses dans le... Ouais, comme ça. Donc, t'essayes de la mettre qui est la même distance ici et ici. Je te montre, après t'essayes. Alors, on finit ça. Comme d'habitude, t'attrapes en haut en bas, et là, ta manche elle va se rabattre ici. T'essayes avec ça ? Non. Ça va te le plier directement. Là, ta manche, on s'en occupe pas, on la passe par ici. Et tu mets bien ton côté. Mets bien ton côté, nous, là, avant. Voilà. En haut aussi. Non, ta manche dans ce sens-là. Déjà, ton pliage, ton repassage de manche, il n'est pas mis trop tôt. Et après, tu plies une fois le haut de tes manches. Et après, jusqu'en haut. main. Un tout petit peu. Tu mets ta main comme ça. Et après, jusqu'en haut. Voilà. Tu peux mettre au-dessus de la pile qui est derrière.